pour tous ceux qui ont fait leur plan de gouvernement en comptant sur une guerre civile en Côte d'Ivoire. Ils se trompent! Yeah! Yeah! Nous disons non à cette fusicratie! Yeah! La voix des urnes contre la voix des armes, nous vaincrons, les gars! Démocratiquement, à toi de là que je m'y mette.